Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous en sommes aujourd'hui à la leçon 15. La phrase clé est... Neteimasu. Ils sont en train de dormir. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Aujourd'hui, Anna se dirige vers une librairie de Shinjuku avec ses amis Sakura et Rodrigo. Le train qu'ils ont pris arrive à la gare de Shinjuku, le terminus. Écoutons le sketch de la leçon 15. Notre phrase clé aujourd'hui est... Neteimasu. Ils sont en train de dormir. Mamonaku Shinjuku, shuten desu. 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。あれ?あの人たち寝ています。大丈夫かな?大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。Je vais vous expliquer le sketch. Sakura a dit 次は新宿駅です。La prochaine est la gare de Shinjuku. 次 signifie prochain. Wa et la particule indiquant un sujet. Shinjuku-eki signifie gare de Shinjuku. Eki signifie gare. Des est une expression polie que l'on place à la fin d'une phrase. Sa, orimashou. Maintenant, descendons. Sa signifie maintenant. On l'utilise quand on demande aux autres ou on les incite à faire quelque chose. Orimashou signifie descendons. Vous suggérez ici que vous devriez descendre ensemble. Descendre se dit Orimas. Si vous remplacez la partie en mas du verbe par Masho, vous faites une proposition. Adrien, que dois-je dire si je souhaite aller quelque part avec vous? Aller se dit Ikimas. Dans ce cas, puis-je dire Ikimasho? Tout à fait. Mais faites attention à une chose. On l'utilise seulement lorsqu'on est certain que les autres personnes ne refuseront pas la proposition. Sinon, cette expression peut donner l'impression que vous souhaitez imposer quelque chose. Alors, que puis-je dire si je fais une proposition afin de jauger si les autres seront ou non d'accord? Dans ce cas, on dit masenka au lieu de masho. Vous avez appris masenka dans la leçon 13. Ikimasenka? Pourquoi ne pas y aller ensemble? Est une manière polie de faire une proposition. Rodrigo s'aperçoit d'une chose. Are? Regarde, ces gens sont en train de dormir. Au Japon, beaucoup de gens font la sieste dans le train. Are est une exclamation utilisée lorsqu'on est surpris ou méfiant. あの人たち signifie ces gens. C'est la combinaison d'un démonstratif あの ce, c'est et de 人たち personne, gens qui est la forme plurielle de 人 personne. Les noms japonais ne gardent-ils pas la même forme au singulier et au pluriel? C'est ce que nous avons appris, je crois. Oui, vous avez raison. Mais si on place tachi après des noms ou pronoms qui signifient une personne, on peut les mettre au pluriel. Par exemple, si vous combinez watashi, je, moi, et tachi, et dites watashi tachi. Cela signifie nous. Je comprends. Neteimasu signifie ils sont en train de dormir. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Pour obtenir cette phrase, vous devez mettre le verbe nemas dormir à la forme en te nete et ajouter imas. Donc, lorsqu'on ajoute imas à la forme en te des verbes, on peut dire qu'une action ou une certaine condition se poursuit. Alors, comment dit-on je mange un repas en japonais? Voici quelques pistes. Un repas se dit gohan. Manger se dit tabemasu. Vous utilisez une particule o pour indiquer ce que vous mangez. Je dois donc utiliser la forme en t du verbe, donc je remplace tabemasu, manger, par tabete, et je lui ajoute imasu. Ainsi, la réponse est gohan o tabete imasu, n'est-ce pas? C'est juste. Anna se demande. Daijoubu kana? Je me demande s'ils vont tous bien. Daijoubu signifie bien. C'est un adjectif qui signifie sans danger ou souci. Kana est une particule et on l'utilise lorsqu'on se demande quelque chose. Anna exprime ici son inquiétude avec une forme interrogative. Sakura répond « Daijoubu, daijoubu. » Ils vont tous bien. Sakura dit deux fois « Daijoubu » pour insister sur ce point. « Hora, okita. » Regarde, ils se sont réveillés. « Hora » signifie « regarde ». C'est une exclamation qui vise à attirer l'attention. « Okita » signifie « s'être réveillé ». Et la forme en « ta » du verbe « okimasu » se réveiller. Ça indique que l'action est terminée, ce qui signifie qu'ils viennent de se réveiller. « Okita » combiné à la forme en « ta » est une façon informelle de dire « okimashita ». Heureusement qu'ils se sont réveillés. Je ne sais pas comment, mais une fois, moi aussi, je me suis réveillée à l'approche de la gare où je devais descendre. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 15. La phrase clé aujourd'hui est Neteimasu. Ils sont en train de dormir. Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris un nouvel adjectif, « daijoubu », bien. Que puis-je dire lorsque je ne suis pas bien ? Expliquez-nous comment mettre les adjectifs à la forme négative. Demandons à notre professeur. Dans la leçon 13, nous avons appris qu'il existe deux types d'adjectifs, ceux en « i » et ceux en « na ». Les adjectifs en « i » se terminent avec la syllabe « i » comme dans « atarashi ». Nouveau. Les adjectifs en « na » prennent « na » devant les substantifs auxquels ils se rapportent. Ainsi, « daijoubu ». Bien, que nous avons appris dans la présente leçon, devient « daijoubu na » devant des substantifs. Pour créer la forme négative des adjectifs en « i », remplacez le « i » par « kunai ». Ainsi, la forme négative de « atarashi » nouveau devient « atarashikunai » ancien, vieux. Pour mettre les adjectifs en « na » à la forme négative, on ajoute « dewa nai ». Ainsi, la forme négative de « daijoubu » bien est « daijoubu dewa nai » pas bien. Vous prendrez un ton familier si vous remplacez « dewa nai » par « janai » et dites « daijoubu janai ». C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est quelqu'un qui ronfle, n'est-ce pas ? Voici le mot pour ce son. Gugu. Gugu. C'est une personne qui dort profondément. Et qu'en est-il de ce mot, selon vous ? Sia, sia. C'est quelqu'un qui dort profondément, je pense. Tout à fait. On emploie ce mot lorsqu'un bébé ou un jeune enfant dort confortablement. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « gugu » et « sia, sia ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Les trains japonais sont ponctuels et pratiques. Mais on ne doit pas parler en utilisant son téléphone portable dans le train. Je dois faire attention. La leçon 15 vous a plu ? Notre phrase clé aujourd'hui était Neteimasu. Ils sont en train de dormir. Durant la prochaine leçon, Anna et ses amis se rendent dans une librairie. Ne manquez pas notre prochaine leçon.